À la mer de Paul Marguerite, lu par Plume d'encre pour audiocité.net. Tout le long du trajet, Albert fut maussade. Pourtant, l'idée qu'il allait connaître l'océan, courir les grèves, oublier pendant 2 mois le lycée, le ravissait. Mais avec la vanité ridicule et l'égoïsme maladif de ses 15 ans, il se sentait mal à l'aise dans le wagon, s'imaginant que chacun fixait les yeux sur lui. Un vieillard à lunettes lui jetait de temps à autre un regard bleu et froid. Albert se persuadait qu'un col trop étroit, qu'on lui avait imposé, attirait ainsi l'attention. Humilié, boudant de ce qu'il lui faudrait user cette 12aine de cols encore neufs, il en voulait à sa mère, et pour bien lui marquer son mécontentement, il haussait le menton, se démanchait le cou, risquait une grimace douloureuse. Cette tactique n'obtenant aucun succès, et Madame Janville, regardant obstinément défiler la campagne derrière la vitre, avec ce visage ferme et résigné des veuves auxquelles la vie n'est pas toujours facile, et qui n'élèvent pas un fils unique sans tiraillement ni souffrance, Albert se composa une expression d'amertume et de dédain, la bouche à la Bonaparte, le front inspiré, de l'air de quelqu'un qui regarde de haut l'univers et scrute l'avenir. Ah, comme il porterait des faux cols à son goût quand il aurait atteint sa majorité! Vraiment, sa mère ne savait pas le comprendre. Elle le traitait trop en enfant, ne comprenant pas qu'il fallait faire la part du temps et qu'il était presque un homme déjà. Elle ne semblait pas se douter qu'elle devait compter avec l'intelligence distinguée, la pénétration, le sens de la vie étonnamment développé, toute l'âme précoce de son fils. S'imaginait-elle qu'il jouât encore aux billes? Ne savait-elle pas quel mépris il avait pour les camarades brutaux et prosaïques, et qu'il passait ses récréations non à courir, mais à discuter avec un ou deux amis en des causeries philosophiques, les plus graves questions, telles que l'immortalité de l'âme ou l'avenir des races latines? Comme preuve irréfutable de sa supériorité, n'avait-il pas obtenu le second prix de composition française et un excécite d'histoire? Qui lui aurait dit qu'au lieu de s'avouer satisfaite, et disons le mot reconnaissante, fière même entre toutes les mères, Madame Janville lui glisserait entre 2 baisers. « C'est très bien, mais j'attendais mieux de toi, mon enfant. » Injustice, injustice de ceux qui nous aiment le mieux. Et Albert parut s'enfoncer dans une méditation profonde, un peu triste, mais pleine de dignité, et qui signifiait clairement que le mérite a toujours été méconnu, mais qu'il ne faut pas désespérer que sa splendeur éclate un jour à tous les yeux. Ah, on verrait bien dans quelques années. Le nom d'Albert Janville serait peut-être célèbre. À quel titre? Grand savant, général fameux, acteur égal à Talma, homme politique. On ne savait encore, mais ne tenait-il pas dans sa main l'œuf de fée prêt à éclore, le magique talisman de la jeunesse, apte à tout, vorace d'ambition, ivre de vie? Pourquoi ne donnerait-il pas un lustre inattendu, prestigieux au nom de son père, ingénieur de talent, mort obscurément d'une insolation, victime des chantiers de Panama? Il songeait à ce père qu'il avait peu connu, dont il ne se rappelait qu'un puissant visage barbu, des yeux sévères, une voix forte. Sa mort avait laissé au sien des ressources très modestes. Ce souvenir entretenait dans l'esprit d'Albert l'oppression confuse de la stricte vie à laquelle il sentait sa mère et lui condamné, la rancœur qu'il éprouvait à rencontrer des camarades roulant en voiture, habillés de neuf et de clair, la privation des plaisirs qu'il eût aimés tels que le théâtre, apprendre à monter à cheval, etc. Il souhaitait passionnément une bicyclette, et sa mère, sans la lui refuser positivement, alléguait la dépense à termoyer. Non, pensait Albert, non, non, ce n'est pas la vie heureuse, le bonheur, l'indépendance, la richesse auquel j'ai droit. Et au lieu de se dire qu'il ne tenait qu'à lui de travailler de toutes ses forces afin de se créer plus tard une situation conforme à ses goûts, il préférait s'en prendre à l'injustice des choses et à la mauvaise volonté des gens, personnifiés l'une et l'autre, à ses yeux, dans la résistance douce et entêtée que sa mère était bien forcée, parfois, d'opposer à ses caprices d'enfant gâté. Mais il avait beau bouder contre lui-même, le lumineux paysage normand avec ses gras pâturages, ses lourds bestiaux regardant immobiles passer le train, ses plateaux d'épis balayés d'un vent salé, ses bouquets d'arbres enveloppant des fermes çà et là, la sérénité de la terre et du ciel très vif, d'un bleu pâle, le saisissait d'un sentiment confus de joie et d'admiration inavouée qui touchait à l'impatience. Quand apercevrait-il enfin la mer ? Des voix tout à coup à l'autre bout du wagon, des gestes la désignèrent. Madame Janville tourna la tête. Là-bas, un petit triangle, un fragment de miroir. C'était l'océan. « Albert, vois la mer !» dit la veuve avec un sourire qui faisait les avances et semblait demander trêve à la bouderie. Il répliqua sans regarder, comme si c'eût été indigne de lui de marquer une curiosité, et accentuant l'indifférence hostile de sa réponse. « La mer, parfaitement, ça m'est bien égal. » Elle le toisa d'un œil de reproche étonné et attristé, et pour la millième fois se reprocha intérieurement d'être une mère trop faible qui ne savait pas se faire craindre. Ce qui ne l'empêcha pas dans sa tendresse charmante et absurde, interprétant l'insolence d'un bâillement qu'Albert comprimait mal, comme l'indice d'une fin justifiée par l'heure du goûter, de lui demander, en atteignant un nécessaire d'où elle s'apprêtait à tirer du pain et une tablette de chocolat, « Veux-tu manger ?» Il la foudroya d'un regard de suprême dédain à cause des voyageurs qui s'étaient retournés vers eux, et, dissimulant sa blessure d'amour-propre, enfin, était-il un enfant pour faire la dinette ? Il ébaucha un geste de refus souriant et supérieur d'une ironie profonde. « Oh, moi j'ai faim !» fit Madame Janville. Et bonnement, elle croqua un peu de pain et de chocolat en affirmant « Tu as bien tort, je t'assure !» Il détourna la tête avec mépris et essaya d'affronter le regard perspicace et insistant du vieux monsieur à lunettes. Il n'y parvint pas et se sentant rougir, comme si le vieillard lisait à livre ouvert sur son visage, il se mit à feuilleter l'indicateur des chemins de fer d'un air absorbé, pris d'une si soudaine et inexplicable timidité, que, s'apercevant qu'il le tenait à rebours, il n'osa le retourner dans ses mains et continua, sous le regard fixe du vieux monsieur, à en tourner les pages, comme s'il prenait son plaisir à lire le nom des stations la tête en bas. Heureusement, le train stoppa. « Vimeuse !» cria l'employé. Leurs cousins, les archers, les attendaient sur le quai. Ferdinand, gros et court, une figure qui suait l'importance et le contentement de soi, se précipita, embrassant Madame Janville avec effusion devant tout le monde, et la jeta dans les bras de sa femme Gabrielle, jolie boulotte au rire enfantin qu'on appelait Brielle. « Comme Albert a grandi !» s'écria-t-on. Il souriait gauchement, les bras au corps, gêné par cette exclamation inévitable qu'on proférait chaque fois qu'on le revoyait. Monsieur Archer lui prit le bras. « Embrasse donc Nénette !» Il le poussa vers sa fille, une petite sauterelle sèche dont les grands yeux de braise luisaient en regardant Albert, qu'il embrassa comme il eût embrassé un morceau de bois. Il avait encore sur la lèvre la douceur des joues parfumées de poudre de riz de Gabrielle. Monsieur Archer se multipliait, jetant des saluts, parlant haut. Il empila tout le monde dans un omnibus, fit charrier les mâles, tandis que Madame Janville, contrite, répétait. « Ferdinand, vous vous donnez un mal. Albert, aide-t-on ton oncle ?» On avait jugé cette appellation plus convenable. Mais Albert estimait cette suggestion ridicule, et il ne sut pourquoi il se sentit un peu humilié, comme si le nom de tante, adressée à Gabrielle, supposait une nuance de déférence plus marquée, moins d'intimité que celui de cousine. Il ne bougeait pas de sa place, d'ailleurs paralysé par un accès de timidité, craignant s'il descendait qu'on ne lui prît cette place où il était bien serré contre sa tante, dont il sentait les hanches à travers une élégante jupe de lainage bleu marin à broderie russe. Gabrielle posa une main gantée de Suède sur sa main de collégien, pas très blanche, et que la descente de wagon avait salie. « Mais comme tu as grandi, mon petit Albert, mais te voilà un homme à présent !» Elle partit d'un éclat de rire. « Thérésine, tu sais, dit-elle à Madame Janville, Albert sera ma passion. Nous nous amuserons ensemble. Demain, il y a une pêche à la crevette. Albert sera mon cavalier. Mais c'est qu'il a presque de la barbe !» L'adolescent rougit de plaisir et de confusion. « Ce n'est donc pas pour rien qu'il se rasait les joues et s'estafilait le menton. Le problématique du duvet de ses lèvres, foncé par un sournois cosmétique, apparaissait enfin comme une ligne d'ombre douteuse sous son nez. Gabriel l'avait vu, c'était un fait désormais avéré. Et il sut gré à la jeune femme de sa vue perçante et de sa divination. Mais comme il se dilatait, ce petit criquet de nénette en face de lui, le regardait avec des yeux tout noirs, une face soudain grave et rigide, la bouche rentrée de jalousie, parce qu'il ne faisait aucune attention à elle. « Ah, enfin !» s'écria Madame Janville, en voyant M. Archer revenir vers l'omnibus et s'introduire auprès d'elle. « Vraiment, Ferdinand, mais je suis honteuse de la peine que vous prenez pour nous. » Il eut un sourire de satisfaction, secouant sa grosse tête, et il tapa sur les genoux de sa femme en disant « Eh bien, Brielle !» Il ajouta en interrogeant Madame Janville. « N'est-ce pas que ma petite Bri-Bri a bonne mine ? A l'air de la mère la brunie. As-tu pensé au pâtissier, mon petit chat ? Oh, mais oui, mon petit Ferdinand, et il y aura de belles pêches d'espalier et des écrevisses, grosses comme la main. » C'est pour le dîner, ajouta-t-elle en guise d'explication, ce qui fit protester bien haut Madame Janville. Oh, mais tu m'avais promis de nous recevoir sans cérémonie. Oh, vous vous êtes déjà donné assez de mal, mais pourquoi faire des folies ? Les archers les avaient attirés à la mer, s'étaient chargés de leur trouver un logement et de leur retenir une servante. Il s'était montré froid à l'origine lorsque Madame Janville avait perdu son mari. Archer, représentant une grande maison de vin de Bordeaux, gagnant 50 000 francs par an, craignait que la parenté des Janville ne lui fût onéreuse. Devant la dignité de sa cousine, vivant de façon modeste mais irréprochable, ne lui demandant aucun service d'argent, il s'était rassuré, et leur relation, pour n'être pas intime, n'en avait pas moins été cordiale. Les Archers invitaient Madame Janville et son fils à dîner de loin en loin. Ils donnaient de bons conseils à la mère et montraient de la sympathie au fils. Ferdinand eût aimé avoir de l'influence sur Albert, lui enseigner la vie, le préserver de contacts dangereux. Il sollicitait à cet effet la confiance du jeune homme, affectant de le traiter en garçon au-dessus de son âge, prévenance à laquelle Albert, flatté, daignait répondre assez gracieusement. L'omnibus roulait, cahotant, au long d'une route étroite bordée de pommiers. On découvrait, dans la verdure, des chalets perchés sur les hauteurs. Une rue de village s'ouvrit, encaissée entre deux falaises. On aperçut l'enseigne d'un hôtel, les bocaux d'un pharmacien, quantité de messieurs à béret et à ceinture de flanelle rouge, dames en toilettes claires et enfants à costume marin. L'omnibus tourna sur une petite place, enfila un bout de rue et s'arrêta devant une porte et une balustrade de jardin, enfouie sous des plantes grimpantes que perçaient, comme des houlettes fleuries, de hautes rostrémières, et en un caprice d'arabesque folle, des clochettes de liserons et de volubilis. « Oh, mais comme c'est joli !» s'écria Madame Janville, sitôt entrée dans la cour, extasiée devant un rideau de glycine lilas qui vibrait, d'un frisson continuel au long du mur qu'il tapissait, dans la brise dont les bouffées cinglaient au visage. « Entrez, entrez !» répétait Monsieur Archer triomphant, et qui s'attendait bien à ce petit succès. « Ah, voilà votre femme de ménage !» « Bonjour, Mélanie. Elle s'appelle Mélanie. » Une vieille femme se précipitait, suivie de la propriétaire, grosse dame à cabas et aux cheveux à cajou, au masque d'actrice retraitée ou de filles engraissées et fanées. « Et voilà Madame Cuispert, avec laquelle vous vous entendrez parfaitement, car elle est la complaisance même. » La dame à cajou et coupe rosée minauda un sourire en déclarant. « Mes locataires, madame, ne sont pas des locataires, ce sont des amis. » Et il suffit que M. Archer s'en mêle pour que je fasse tout mon possible pour vous être agréable. Voici la cuisine, la salle à manger, le salon, deux chambres à coucher, un débarras, le petit endroit. Tout est très propre, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, s'il vous manquait quelque chose, Mélanie, elle échangea un regard d'intelligence avec la servante, qui avait l'air d'un vieux loup rusé. Mélanie n'aurait qu'à me le demander. Elle souleva les matelas, cardés à neuf, énuméra la batterie de cuisine et le linge, ne voulut accepter aucun règlement d'avance, répétant qu'avec M. Archer, elle était sûre des personnes qu'il lui recommandait, et se retira, par discrétion affectée, laissant Madame Janville au plaisir de se retrouver en famille. « Ce qu'elle comprenait si bien, ajoutait-elle, avec un sourire et un hochement de tête qui secoua ses trois mentons plissés de l'air d'une personne qui en sait long sur la vie. « Eh bien, demanda M. Archer en se croisant les bras avec un petit rire qui appelait de nouveaux remerciements. Car, brave homme au fond, il ne pouvait dissimuler son insatiable vanité. Et quand la cousine lui eut pris les mains en l'assurant de sa reconnaissance, en le complimentant à l'excès de son bon goût, de son sens pratique, qui lui avait fait concilier dans son choix l'élégance du logis et le bon marché, une occasion assurément unique, M. Archer but du lait sans reprendre haleine, tandis qu'avec des gestes de fausse modestie, il semblait dire « Assez, je bois trop, ne m'en versez plus !» Albert, pendant ce temps, dans le petit jardin, cueillait les roses d'un rosier de plein vent et les offrait d'un geste délibéré et maladroit à Gabrielle qui le regardait faire en souriant. « Comme tu es gentil, mon petit Albert, » dit-elle en prenant les roses. Mais elle poussa aussitôt un cri. Une épine l'avait piqué à travers le gant. « Oh, ça ne fait rien, mon petit Albert. Tu es gentil tout de même. » Et elle lui caressa le visage, maternelle et coquette, avec les roses. On devait retrouver avant le dîner les Archers sur la plage. Seul avec sa mère, Albert reprit sa maussaderie du voyage. Il livra bataille avec le col propre qu'il dut mettre et profita de ce que ce col était trop étroit vraiment pour serrailler les ongles et casser deux boutons dessus en tirant la langue d'un étranglé. Puis il affirma l'intention de mettre un pardessus neuf que sa mère jugea trop léger pour le soir. Il s'enrhumerait certainement. « Eh bien, je m'enrhumerai, » dit Albert, « mais au moins je ne serai pas ridicule. » Le grand mot était lâché. Il abominait le vieux pardessus en gros drap que sa mère voulait lui voir mettre. Il se reprochait de contracter dedans l'allure d'un vieux notaire, et il s'y sentait contraint au point de n'oser y faire un geste, de s'y promener, et bien malgré lui, dans l'attitude raide d'un mannequin de bois. Il n'y avait sorte de ruse et de perfidie auxquelles il n'eût recouru pour vieillir prématurément et rendre hors de service ce vêtement. Tantôt il l'exposait sur l'appui de la fenêtre à la pluie battante. Tantôt il en laissait pendre une manche dans le feu. D'autres fois il répandait dessus d'inexpugnables corps gras, déchirait la doublure, lacérait les poches. Et toujours, par une magie, il retrouvait les taches enlevées, les fentes recousues, l'étoffe brossée jusqu'à l'âme. Râpé, retapé, invalide mais robuste, le vieux pardessus se refusait à mourir. Aussi Albert le détestait-il à l'égal d'un être vivant. Enhardi par le silence stupéfié de sa mère, il continua. « D'ailleurs, je ne veux plus le mettre. Il est usé, il est affreux, il est grotesque. Je ne le mettrai pas. » Madame Janville lui saisit les mains, et l'adjurant avec le visage inspiré d'une pythonisse, une véhémence solennelle. « Albert, mais ne dis pas cela. C'est mal, mon enfant. Un pardessus qui a coûté 150 francs et que tu ne portes que depuis 3 ans. Enfin, crois-moi, je suis ta mère. Ai-je intérêt à ce que mon fils soit ridicule ? Mais il te va admirablement, et je ne sais pas, fit-elle avec accablement, pourquoi tu te refuses à porter une chose qui te va si bien. Il ricana avec satanisme, marquant bien qu'il n'était pas dupe. Eh bien, que veux-tu, je n'ai pas ton goût, ton excellent goût. Et puis à quoi bon discuter d'ailleurs, je ne le mettrai pas. Moi, tu ferais mieux de le donner à un pauvre. Madame Janville, qu'un long énervement portait à bout, montra un visage bouleversé et d'un mouvement qui eût été sublime si l'accent trop tragique de sa phrase ne l'eût teinté d'un léger ridicule. « Le pauvre ? Mais c'est toi, malheureux enfant. Quand on est dans notre position, mais on use ses effets. J'use bien les miens, moi. »« Ah ! » fit Albert profondément humilié. « Alors achète-moi aussi des sabots pour que j'aille mendier sur la plage, si nous sommes si pauvres que ça. » Madame Janville essaya de recourir à l'énergie et avec un effort désespéré. « Je ne sais pas pourquoi je te réponds. Écoute, Albert, tu mettras ce pardessus ou je dirai à ton oncle Ferdinand que tu ne veux pas m'obéir. Oui, je le dirai à tout le monde ce soir. Parle plus bas, fit-il sèchement. La bonne écoute derrière la porte. Elle ne peut pas entendre, dit Madame Janville en baissant cependant la voix, car elle avait autant de respect humain que son fils. D'ailleurs, toutes les mères peuvent écouter à la porte, et si cette femme a des enfants, eh bien elle me donnera raison. Fais entrer les passants pendant que tu y es, et prends-les pour juges, riposta Albert avec aigreur. Quant à mon cousin, il souligna ce mot qu'il employa exprès par mutinerie, ne t'y fie pas. Il n'est pas pour qu'on élève les jeunes gens à la prussienne, une, deux, comme tu voudrais, comme tu essayes de faire. Et n'oublie pas que je dois être un jour le chef de la famille, et que je remplace ici mon père. Ton père, exclama douloureusement Madame Janville, plût à Dieu qu'il fût ici pour te faire obéir. La tâche des femmes veuves n'est pas commode, oh non, ni agréable avec des enfants ingrats et révoltés. Tu me punis cruellement de ma bonté, ou plutôt de ma faiblesse pour toi. Allons, maman, voyons, pas de grands mots pour un misérable par-dessus. Le par-dessus, oui, oui, mais et les faux cols, et la bicyclette, et le jour où je n'ai pas voulu te mener à l'Odéon, et la scène que tu m'as faite après une visite chez les Reverchon, tout te sert d'occasion pour m'opprimer. Et tu me rends vraiment bien malheureuse. Moi ? Fit-il au comble de la stupéfaction. Mais d'une stupéfaction à moitié jouée, et il avait la sensation que leurs paroles n'étaient pas d'un ton juste, manquaient de simplicité, prenaient quelque chose de théâtral. Moi ? C'est moi qui t'opprime ? Moi qui te force à mettre des faux cols qui t'asphyxient ? Moi qui te force à revêtir un par-dessus infect ? Allons bon, tu pleures. Et est-ce ma faute? Voyons, maman, maman, mais ne pleure pas. Allons, mais enfin, c'est à moi que tu fais de la peine, méchante. Ne pleure pas, veux-tu que je le mette? Tiens, eh ben, je le mets, ton par-dessus. Non, mon enfant, mets le neuf, dit Madame Janville en contenant les larmes que son fils lui épongeait aux yeux de son propre mouchoir. Et ayant cédé comme toujours, prenant l'air malheureux d'Albert pour une expression de sincère regret, elle murmura. Oh, je ne pleure plus, c'est fini, mais alors si tu me permets de te donner un petit conseil, prends un foulard. Je ne veux pas que tu t'enrhumes. Albert sortit, sanglé dans le par-dessus neuf qui ne lui fit cette fois aucun plaisir. Même ce qu'il n'éprouvait jamais, il y fut gêné, mal à l'aise. Persuadé que tout le monde s'en apercevait, il marchait dans la rue d'un air indifférent et détaché, ne sachant que faire de ses bras qui l'embarrassaient positivement. Il les nouait derrière son dos, les agitait en battant de pendule, les fourrait dans ses poches, et quoi qu'il fît, il gardait l'impression que ce n'était pas cela et qu'il ne parvenait point à l'aisance naturelle et simple qu'il rêvait. Sa façon de regarder les gens s'en ressentait. Tantôt, croisant un groupe, il baissait le nez devant les yeux clairs d'une jeune femme ou le sourire moqueur, croyait-il, d'un beau garçon à moustache. Tantôt, il toisait les passants de haut avec une hardiesse feinte. Et toujours, comme une obsession, il croyait sentir sur lui les regards des gens, ceux des vitrines de boutiques, ceux des fenêtres closes. Parfois, une chaleur à la nuque lui donnait la sensation de quelqu'un l'épiant et le bafouant par derrière. Il se demandait s'il n'avait pas en lui quelque chose de risible, avait envie de se passer la main sur le dos pour y effacer le signe à la craie tracé par un mauvais plaisant imaginaire. Se tourmentait de savoir s'il ne s'était pas mis, par hasard, du noir au bout du nez. Et dans cet accès de folie du ridicule qui le hantait, il se sentait tout à coup rougir comme un coquelicot, sans pouvoir s'en empêcher, rougissant au contraire d'autant plus qu'il faisait effort pour distraire sa pensée, la fixer ailleurs. Son amour-propre ulcéré lui infligeait perpétuellement de tels supplices. Pourtant, il s'oublia un peu lui-même en approchant de la grève. Le bruit de la mer grondante lui emplissant l'oreille et le saisissant d'un trouble où perçait un soupçon d'attente et de crainte. Brusquement, au coin de la rue, le vent le souffleta. Un embrun âpre le couvrit de poussière d'eau. Il aperçut la plage minuscule, tout en galets, que la marée, par vagues courtes et drues, couvrait presque jusqu'à battre le pied des falaises. Un soleil rouge plongeait son disque derrière la mer gonflée et moutonnante. Sa lueur rose s'en venait, du bout de l'horizon, mourir sur la crête des dernières vagues. À chaque battement du flux, une digue d'algues se soulevait, tout un fumier brun s'étalait dans l'écume, qui laissait voir, en se retirant, un grouillement de petits crabes et d'araignées de mer. Sur la gauche, des vagues brisaient sur des roches, en rejaillissements de bave, en clapotis ruisselants, en fusées de neige. Un promontoire sur la droite s'avançait en proue de navire, submergé à chaque seconde, émergeant noir quand même, plus haut que la furie des vagues, dans le ciel pâle du crépuscule. Parfois il semblait plonger, vivant, flotter comme une épave, rebondir. Et dans le grand vent frais qui remplissait la poitrine, les oreilles bourdonnantes, les lèvres salées, Albert, étourdi et engourdi, en proie à un accablement tumultueux et à une ivresse de bruit et de force, s'avançait, fasciné, aimanté par le flux, attendant avec une horripilation délicieuse l'étalement du flot qui lui trempait les semelles. Ses misérables préoccupations de collégien se taisaient devant ce spectacle. Il s'élevait au-dessus de la vie médiocre. Quelque chose de grand le pénétrait. Il se retira, on lui frappait sur l'épaule. Un garçonnet en complet gris lui souriait. Il reconnut, à son grand étonnement, un de ses camarades du lycée Louis-le-Grand, Pierre Émonot. Une sympathie l'avait toujours attiré vers cette petite figure sérieuse et réfléchie, ce garçon frêle, aux gestes rares, à la distinction réservée. Mais comme il n'avait pas les mêmes amis et qu'Émonot n'était qu'en troisième, leur relation était restée banale, sans s'accrocher plus, pleine d'une bonne volonté mutuelle qui n'avait pas abouti. « Comment ? » s'écria Albert. « Tu es avimeuse ?» Il regardait Émonot avec une surprise réjouie et un certain respect, parce que ce dernier avait remporté tous les premiers prix de sa classe et, en même temps, la supériorité latente de son camarade, son sérieux qui ne le faisait jamais se prêter aux farces et aux mutineries, ses yeux purs et froids qui semblaient ignorer les choses laides de la vie de collège, ou plutôt vouloir les ignorer, tout cela lui inspirait un embarras et comme une petite honte à lui qui, déjà si peu parfait, se sentait hanté de pensées troubles, en crise de 16 ans, la puberté venue. « Viens, viens que je te présente à ma mère, » dit Émonot. Une angoisse ressaisit Albert, et il balbutia des excuses, cherchant des gants dans sa poche, rehaussant son col étroit, mais Pierre le rassurait d'un air d'indifférence, et le conduisait vers une cabine tapissée de nattes de jonc, dans laquelle une femme aux cheveux blancs, à taille élégante, travaillait à un ouvrage de tapisserie. Elle leva les yeux en les voyant venir, et tandis que Pierre disait « Je te présente mon ami, Albert Janville. » Elle avait une façon franche de lui tendre la main et de le regarder en face, en disant « Bonjour, monsieur. Je suis heureuse de vous connaître. Mon fils m'avait parlé souvent de vous. » Cela surprit Albert et le flatta d'autant plus. N'étant pas liés intimement avec Pierre, il fallait, pour que celui-ci eût parlé de lui, qu'Albert lui fût plus sympathique qu'il ne l'imaginait et ne l'espérait. Cela lui donna une plus haute idée de son propre mérite, et rien ne contribua plus à lui donner l'assurance nécessaire pour soutenir la conversation. Madame Émonot, lui ayant plu tout de suite, ne tarda pas à le conquérir de plus en plus, par cet on ne sait quoi des manières qui allient l'esprit à la bonté, la fermeté à la douceur, témoigne d'une âme haute et débarrassée de préjugés mesquins, d'un cœur large et droit. Très vite, Albert eut cette intuition que Madame Émonot ne ressemblait pas aux autres femmes, et leur était supérieure. Il subissait l'attrait indéfinissable d'une grâce féminine toute virile et cependant très délicate, et ne s'expliquait pas comment ce visage de femme de 35 ans passés, beau et lumineux, avec la marque de la vie pourtant et de la souffrance, put s'accommoder de ses cheveux blancs qui, ne la vieillissant que de loin, la faisaient paraître de près plus jeune. Semblait le caprice coquet d'une femme qui se serait poudrée en marquise. Ce qui le charmait surtout, c'est que, sans artifice, sans avoir l'air d'y songer, elle employait avec lui le ton juste et les manières qui pouvaient le mettre le plus à l'aise, lui donner l'impression, non qu'on le prenait au sérieux par condescendance ou pour le flatter, mais qu'on l'acceptait tel qu'il était, sans qu'elle parût le moins du monde s'apercevoir des bouffées de timidité qui lui montaient au visage. En teinte rose, ni des poses d'une immobilité contrainte qu'il gardait, ni de son faux aplomb qui tout à coup le faisait s'exprimer d'une façon trop absolue ou trop libre. Elle le regardait comme s'il l'intéressait vraiment, avec sympathie, avec aisance, et il en était délicieusement chatouillé dans son amour-propre, et comme réchauffé et fortifié dans le cœur. Il lui semblait cette chose précieuse et douce entre toutes, que Madame Émonot et lui se connaissaient déjà, se retrouvaient, étaient et seraient amis. Il ne pouvait en même temps oublier qu'elle était femme, et il respirait, avec une volupté inavouée, un fin parfum d'iris blanc qui s'exhalait de sa personne. Il épiait ses mains, maigres et nerveuses, d'un blanc pâle sillonné de veines transparentes et bleuâtres. Il la regardait timidement, ou franchement, tour à tour, au visage, et la trouvait belle et aimable. Mais pour la première fois, chez un adolescent hanté par le mystère féminin, il n'osait pousser plus loin l'investigation hardie de sa pensée, ne se représentait pas Madame Émonot dans le secret de l'intimité et le dévoilement de son corps, comme il s'imaginait telle autre femme, moins digne et moins pure d'attitude, sa cousine Gabrielle, par exemple. Il resta plus longtemps que les convenances ne l'y autorisaient, mais chaque fois qu'il faisait mine de se retirer, l'aimable femme, d'un geste simple, l'invitait à rester, si toutefois, disait-elle, rien ne le pressait ailleurs. Il n'eut pas le soupçon qu'en le faisant ainsi parler, qu'en l'interrogeant sur ses goûts, sur le lycée, sur sa camaraderie avec Pierre qui les écoutait, paisible, avec son sourire réfléchi, elle cherchait peut-être, par prudence maternelle, à discerner ce que des rapports d'amitié entre les deux jeunes gens pourraient offrir d'avantageux ou de nuisibles à son fils. Il se dit seulement qu'il avait sans doute intrigué Madame Émonot par l'originalité de son esprit, qu'il l'avait séduite par son caractère sympathique. Et comme il avait de lui-même une très haute opinion, il jugea que cette dame avait le goût bon, le jugement sain, était extrêmement intelligente, voire une femme supérieure, puisqu'elle avait su, du premier coup, l'apprécier. Madame Janville parut à l'autre bout de la plage. Elle marchait vite, en jetant autour d'elle des regards inquiets et mécontents. Albert se sentit en faute, très en retard sans doute, et balbutiant un « voici ma mère », il se leva pour partir. Madame Émonot dit « voulez-vous me présenter à elle ?» Précisément, Madame Janville venait d'apercevoir son fils, et très surprise qu'il fût avec des inconnus, indécise de savoir si elle allait l'appeler ou lui faire signe, elle avait de plus en plus cet air effaré et déconcerté qui fait ressembler une mère à une poule rappelant son poussin. Albert alla à elle avec empressement, pas trop vite cependant pour ne pas compromettre sa dignité. « Avec qui étais-tu ? Tu sais que je n'aime pas que tu parles aux étrangers. » « Mais c'est la mère de Pierre Émonot, mon camarade de lycée dont je t'ai parlé. Cette dame désire faire ta connaissance. »« Ah ? » murmura Madame Janville. « Émonot ? Non, non, je ne me rappelle pas. Tu n'as jamais prononcé ce nom. D'ailleurs, les archers seront très fâchés. Sais-tu quelle heure il est ? Tu es en retard de 3/4. Allez, partons. Ils sont venus sur la plage sans te trouver. Je suis venu aussi. Tu étais trop absorbé, sans doute. Et tu sais que ton oncle n'attend jamais à table. Mais et cette dame vient à ta rencontre ?» Madame Émonot s'avançait, en effet, accompagnée de son fils. Elle aborda Madame Janville avec sa franchise ordinaire, cordiale et sereine, et fut très aimable. La mère d'Albert, forcée de se montrer polie, resta sur la réserve et prit congé presque aussitôt. Madame Émonot, comme on se saluait, risqua cette invite. « Si j'osais, madame, mon Pierre est très seul. Nous comptons faire demain une grande promenade en voiture. » Voulez-vous permettre à monsieur votre fils de nous accompagner, enfin, si toutefois, ajouta-t-elle avec un gracieux sourire à Albert, cela ne l'ennuie pas ? Albert allait accepter d'emblée, mais sa mère fit observer qu'une partie de pêche à la crevette était projetée pour le lendemain avec leurs cousins, les Archers, et que « Ah, monsieur Archer est votre parent ?» demanda Madame Émonot. Et ce nom que Madame Janville avait lancé avec un peu d'ostentation pour se couvrir du pavillon de son riche cousin, Albert crut, peut-être était-ce une illusion, que Madame Émonot l'avait prononcé avec une nuance défavorable, à peine sensible du reste. Madame Janville, prise d'une fausse modestie, proclamait sa parenté avec Archer, glissant habilement un mot sur la fortune de Ferdinand. C'était leur chalet, un des plus beaux de Vimeuse qu'on apercevait. Elle le montra du doigt, à travers un bouquet d'arbres à mi-falaise. Madame Emono acquiesçait, avec un air de dire qu'elle savait, assez froid, à ce qu'Albert s'imagina. « Eh bien, fit-elle, si vous n'êtes pas libre, ce sera pour une autre fois. Et si vous pouvez venir, bien venez. » Mais, suggérait-il, si Pierre venait pêcher la crevette avec nous ? C'est très amusant, marée basse, on se mouille les jambes. » Madame Janville se taisait. Madame Emono dit avec son ton de calme et de supériorité, comme si elle avait lu dans le regard de son fils. « Je regrette, Pierre préférera me tenir compagnie. Je crains d'ailleurs qu'il ne s'enrhume. » On se sépara sans insister, de part ni d'autre. Par grand hasard, il se trouva que le dîner des Archers n'était pas prêt. Il était arrivé un malheur à la cuisinière dont le rôti avait brûlé, et cela préoccupait bien plus Ferdinand et sa femme que de ne pas voir arriver leur cousin. Quand ceux-ci firent leur entrée, les Archers sortaient d'une scène, le mari accusant Gabriel de ne pas surveiller assez ses domestiques, et Brielle bouda. Archer finit par lui demander pardon, l'embrassa sur ses joues rondes et lui prenant la taille. « Ah, cette Brielle, marmonnait-il, elle est dans son tort et c'est encore moi qu'elle gronde. Allons, Bri-Bri, ne fais pas ta moue, tu es si gentille quand tu ris. » Et il la chatouilla, tandis qu'elle lui donnait des tapes sur le nez gentiment. « Albert, s'écria-t-elle, mais viens ici, pourquoi ne t'avons-nous pas trouvé sur la plage ?» « Il m'a fait assez chercher aussi, » dit Madame Janville. « Il paraît qu'il avait retrouvé un camarade, et il causait avec la mère, une Madame Mono, Nomo et Mono, » rectifia Albert. Archer demanda subitement intéressé. « Une belle personne, grande, simplement mise et qui a les cheveux blancs. C'est la femme du richissime banquier Emono de Lyon. Tu lui as parlé ? Comment est-elle ? « Oh, ce serait une excellente relation pour Albert, » fit-il en se retournant vers Madame Janville, sur qui les mots magiques de richesse et de banque avaient agi, et qui dit vivement à son fils. « Ah, j'avais mal entendu. Et Mono, en effet, tu m'avais parlé de son fils. Oh, mais je me rappelle maintenant. Il a l'air bien intelligent, ce jeune homme, mais un peu délicat de santé. » Tout le monde s'intéressa alors au « et Mono », et Albert se sentit bien plus flatté d'avoir pu intéresser une femme si exceptionnelle à tant d'égards. Seulement, l'idée qu'elle était très riche le tourmenta. Si elle allait le mépriser en sachant que sa mère et lui n'avaient qu'une petite aisance. Mais la bonté peinte sur son visage réfléchi et la simplicité haute de ses manières le rassura. Nénette parut poussant brusquement la porte. Elle était vêtue d'une robe rose qui découvrait ses bas noirs, et elle sentait bon le savon à la violette, la peau fraîche sous le baiser qu'elle alla demander à sa tante et à Albert. Elle se donnait comme lui un maintien d'importance, très raide et cependant très vive, en sèche petite personne, comme les enfants qui jouent à la madame, et elle semblait intimer à son cousin de ne pas la traiter en petite fille. Assise sur son pouf, elle se croisa les pieds et les mains en une attitude pleine de sérieux. Mais sa vivacité reprenant le dessus, elle attira à elle un grand album de photographies et dit « Viens voir, il y a des portraits nouveaux, des gens que tu ne connais pas. » Albert se prêtait à son désir, se penchant avec condescendance, le front près du front de l'enfant, quand la bonne annonça « Madame est servie. » Ferdinand offrit son bras à Madame Janville, Albert à Gabrielle. Elle avait une robe ouverte en carré, les bras à moitié nus. Il les devinait fermes et doux, lisses comme la peau des roses thé, et il aurait eu grande envie de promener seulement son doigt sur le bras blanc qu'il tenait sous le sien. Il se contenta de caresser la main de Brielle, qui se laissa faire en le regardant avec un air innocent et cependant complice. Un sourire où, sous la condescendance maternelle que lui conférait son âge et le titre de tante, quelque chose de séducteur perçait. Il devint tout rouge en sentant qu'elle lui pressait les doigts, et la petite caresse dure d'une bague qui le serra lui fit du mal et du bien, fit passer dans son dos un chaud et voluptueux petit courant. Nénette, gravement toute seule, les suivait. À peine eut-on mangé le potage que la bonne apporta une dépêche. Ferdinand tendit la main avec cet air surpris et un peu inquiet que l'on prend d'ordinaire devant une menace d'imprévu. Gabrielle, moins maîtresse d'elle, avec la nervosité des femmes, s'écria. « De qui est-ce ? Allez, ouvre vite. Oh, si c'est un malheur, ne me le dis pas. » Archer brisa le sceau du papier bleu, lut et jeta sa serviette sous la table. Gabrielle se leva à moitié. « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Archer la regarda, prit un temps et dit d'une voix brève et tragique « Bernot est mort. »« Votre associé ?» s'écria Madame Janville, tandis que Gabrielle, sincère jusqu'au cynisme, lançait ce cri spontané. « Bernot est mort ? Mais alors, tu vas gagner beaucoup plus d'argent tout seul !» Elle ajouta immédiatement d'ailleurs « Ce pauvre Bernot, c'est sa femme qui va enfin respirer. »« Ah, il lui en a fait voir de toutes les couleurs, » fit-elle en regardant Madame Janville. Ferdinand s'était levé et, plein d'importance agitée, regardait sa montre. « Marie, » ordonna-t-il à la bonne, « de la lumière dans ma chambre, vite. Je prends l'express de 10 heures. »« Mais comment, tu vas partir ?» cria Gabrielle, suffoquée. « Tu me le demandes ? » fit-il. « Mais tu seras forcée de venir aussi à l'enterrement. » « Je télégraphierai l'heure. Pars donc avec moi, ce sera plus simple. »« Et Nénette ? Et mes mal ? Et puis non, je ne veux pas partir comme ça. »« Oh, j'aime mieux te rejoindre demain soir. Oh, moi, j'arriverai à temps pour l'enterrement. Et puis, est-il si nécessaire que j'y aille ?»« Tu diras à Madame Bernot que je suis très souffrante, que le médecin m'a défendu le voyage. » Archer haussa les épaules, un homme qui n'a pas le temps de raisonner et qui cède toujours à des caprices d'enfant gâté. « Moi, eh bien, dîner, dit-il, tandis que je boucle ma valise. » Mais elle s'accrocha à ses vêtements. « Oh, mais tu as bien le temps. Marie, servez-nous rapidement. Vous permettez que je serve le premier ?» Et malgré la résistance de son mari, elle lui empila sur son assiette 3 tranches de roast beef et une montagne de purée de pommes de terre. Il ne put s'empêcher de déclarer. « Ah, tu es une bonne femme tout de même. » Et il coupa dans le vif avec un geste affamé. Mais le souvenir de Bernot lui fit retenir en l'air la bouchée qu'avait piquée sa fourchette, et tout ému, les larmes aux yeux, il murmura. « Pauvre Bernot, je savais bien qu'avec sa maladie de cœur, ça pouvait arriver d'un moment à l'autre. Ah, je me rappelle aussi tous les tours qu'il m'a joués. Nous étions à moitié brouillés ces derniers temps. Ah, n'importe, tiens, cela me fait bien beaucoup de peine. » Deux larmes qui s'étaient gonflées au coin de ses yeux, comme si elles n'eussent attendu que ce moment, tombèrent alors lentement sur ses joues, et il reposa sa fourchette, recula son assiette, mit les 2 coudes sur la table et s'essuya les yeux dans sa serviette. « Voyons, supplia Gabrielle tout émue, ne vas-tu pas te rendre malade ? Enfin, ce n'est pas Bernot qui t'aurait pleuré s'il était à ta place. » « Ferdinand, dit Madame Janville avec sentiment, nous savons tous que vous avez du cœur. »« Nénette, viens embrasser ton père, » ordonna Gabrielle. Archer alors embrassa sa fille, puis sa femme, et tranquillement se mit à manger par bouchées puissantes et décisives que coupaient des soupirs de résignation, tandis que Gabrielle parlait avec une loquacité exaltée et une fièvre presque joyeuse. « Ce que c'est que de nous, » répétait Madame Janville. « Dis à ton mari de ne pas tant se presser et qu'il a le temps. »« Oui, mais ne mange pas si vite, mon petit Ferdinand. Tu te feras mal à l'estomac. »« Oh, il mange toujours trop vite, » fit-elle en se tournant vers les Janville. « Rien n'y fait. Le médecin te l'a dit pourtant. » Archer se versa du vin, s'arrêta à mi-verre, comme un homme qui ne boit que par nécessité, se concède le strict nécessaire. Puis, prenant son parti de l'irréparable, d'un geste qui acceptait la vie, il pencha la bouteille et se versa une rasade. « Allez, au pauvre Bernot, » fit-il en ébauchant un toast discret et en portant le verre à sa bouche. Il fit clapper sa langue en connaisseur et dit « Ah, il n'en boira plus d'aussi bon. » Ce fut l'oraison funèbre de l'associé. À partir de là, un vertige emplit la maison, un va-et-vient dans les escaliers, les portes rouvrant et claquant, les jupes de Gabrielle aperçues envolées sur ses chevilles moulées de bas noir, où un pointillé de broderie montrait un jour de peau, les pépiments d'oiseaux de Nénette courant en tous sens et se heurtant à tout, la grosse voix d'Archer criant « N'oublie pas mes mouchoirs !» la bonne manquant de se casser le cou dans l'escalier, enfin le roulement d'une voiture s'arrêtant devant la porte. Archer reparut, tenant une valise d'une main, un ballot de l'autre, tout solennel et gonflé d'importance. « Thérésine, dit-il à Madame Janville, je vous confie Gabrielle et Nénette. » Je te les confie aussi, fit-il avec une grâce magnanime, en s'adressant à Albert, qui commençait à trouver qu'on ne s'occupait pas assez de lui, et que cette marque de confiance toucha. Adieu, fit Archer, et il embrassa Madame Janville et Nénette, tendit la main à Albert. Mais il nous accompagne, dit Gabriel, qui avait échangé sa robe ouverte contre un vêtement montant et chaud. Ah, si tu crois que je veux revenir toute seule dans la voiture pour avoir peur. Ma bonne Thérésine, voulez-vous veiller à ce que l'on couche immédiatement Nénette? Nous ne serons pas longs. Protestations, étreintes, poignées de main, les archers dans le fond de la Victoria de louage, Albert assis sur une banquette aussi mince qu'un biscuit, et fouette cochée. L'on roula dans la nuit claire que le clair de lune argentait. Qu'elle ne fut pas, sitôt les maisons de Vimeuse dépassées, la stupéfaction d'Albert en voyant Ferdinand tourner son visage contre sa femme et l'embrasser à pleine bouche. Gabriel, en se détendant d'un geste de défense à la façon d'un ressort, envoya un coup de pied qu'Albert reçut dans le gras du mollet. « Je t'ai pas fait mal, mon petit Albert ? » demanda-t-elle aussitôt. « Tu vois, » dit-elle à son mari, « mais enfin tiens-toi tranquille. » Il ne bougea plus, en effet, parlant à peine, de loin en loin. Le noir des arbres les enveloppait, et l'on ne discernait que le point rouge du cigare qu'Archer tenait de sa main gauche et qui lui éclairait, quand il l'aspirait fortement, le bout des doigts. Albert, qui avait fumé 2 cigarettes après le dîner, malgré le regard timidement sévère que sa mère lui avait lancé, se sentait du vague au cœur, et il lui tardait que les chaos de la voiture eussent cessé. Une clarté de réverbère à lampe d'huile les éclaira soudain. La gare jaunâtre parut. Il s'aperçut alors, avec une stupeur indignée, une étrange colère jalouse, que Ferdinand tenait les pieds de Gabriel entrelacés aux siens, et qui lui serrait la taille de son bras libre, appuyant la main sous la gorge avancée de la jeune femme. « Mon petit Albert, dit Ferdinand, tu serais bien gentil de porter mes valises pendant que je vais prendre mon billet. » « C'est ça, pensa Albert, comme un domestique. » Et ce lui fut une étrange souffrance physique de regarder Archer tendre la main à sa femme qui laissa voir ses mollets en sautant du marchepied. On était en avance. Gabriel voulut attendre le train. Albert, ayant froid, car la soirée était fraîche, se morfondit dans son petit pardessus neuf et regretta le vieux manteau qu'il avait si fort méprisé. Il éternua 2 fois sans que les Archers fissent attention à lui. Alors il les maudit en son cœur et voua l'univers entier à la destruction. Il vit Gabriel torturé, nu, en des assauts de ville, aux bras de soudards ivres. Ferdinand écrasé dans une rencontre de train, aplati comme une galette. Et dans ce cauchemar sanglant et lascif, il goûtait une absurde et aiguë volupté. « Mais va-t'en donc » répétait-il tout bas en voyant le gros dos de Ferdinand aller venir dans la salle d'attente, escorté de Gabriel. « Mais va-t'en donc !» Cette fois, la voiture les ramenait tous deux. Le grondement du train qui emportait Archer s'était tu dans la campagne. Et Albert était assis, non plus sur le biscuit dur de la banquette, mais dans la bonne place du fond, serré autant que possible contre Gabriel, dont le corps tiède, plein de mollesse, ne le repoussait pas. Des minutes coulèrent. Et il se serrait de plus près contre ce corps jeune. Comment cela se fit-il? Fût-ce qu'il triompha de l'horrible angoisse de ses doutes, de ses désirs, de sa timidité, d'il ne savait quoi de torturant qui lui criait d'oser et qui en même temps lui montrait le péril d'un éclat? Gabriel ordonnant au cocher d'arrêter, se jetant hors de la voiture, révélant tout ensuite à Ferdinand? Fût-ce plutôt qu'il la pressentit complaisante, amolie étrangement, victime d'un instant unique de langueur? Le hasard en fut-il à un simple chaos qui les jeta l'un contre l'autre? Le sûr est qu'il glissa son bras autour de la taille de Gabriel et avança la bouche pour l'embrasser. S'y prêta-t-elle? N'esquiva-t-elle pas assez vite? Leurs lèvres se rencontrèrent. Ce baiser fondit dans les moelles d'Albert. Il crut mourir de plaisir. Elle s'était rejetée vivement en arrière, saisie, et son premier regard fut pour le dos aveugle et sourd du cocher, tandis qu'elle balbutiait. « Oh, bébé, grand bébé !» Et aussitôt, dans une reprise de soi-même et un retour de dignité offensée trop tard, « Ne recommence jamais !» Ce ton le blessa. Il tourna dédaigneusement la tête et bouda. En même temps, il sentait bien que c'était contre lui-même. que le moment précieux passait. Déjà, les premières maisons de Vimeuse apparaissaient. Point de feu et vitres pâles, la voiture allait s'arrêter, et l'occasion perdue resterait à jamais perdue. Il avait laissé derrière la taille de Gabriel son bras inerte, mort, et que l'immobilité engourdissait. Très doucement, il ranima la pression, cherchant sournoisement les pieds de la jeune femme avec les siens, approchant la tête de son visage. Elle ne bougeait pas comme absorbée en elle-même, hostile peut-être, et décidée à ne jamais lui pardonner. Mais peut-être aussi attendait-elle quelque chose. Dans son indécision, il n'osa qu'appuyer la tête sur l'épaule de Brielle. Peu à peu, leurs joues se touchèrent. La fraîcheur et la douceur de cette peau lui procura une indicible sensation. En même temps, il sentait un fin parfum âcre, relent du cigare d'Archer, persistant dans le bois de plumes qui entourait le cou de Gabriel. Tout bas, il l'entendit soupirer. Elle ne défendait pas sa main qu'il avait prise avec lenteur, et elle murmurait, presque avec regret. « Tu es trop grand maintenant, mon petit Albert, tu es trop grand !» Mais il secoua la tête, et tout en la serrant tendrement, se rencogna, rentra ses jambes. Il eût voulu se rapetisser, devenir un baby à culotte courte, pour qu'elle pût le choyer et le caresser. Et sans bruit, sans geste, il posa ses lèvres sur le cou parfumé de sa tante et y aspira un baiser de chair, long et suave. « Oh, grand bébé !» fit-elle tout bas. « Mais quel bébé tu fais !» Alors, il l'étreignit à se pâmer. Elle ne se dégagea point, comme morte délicieusement. La voiture, roulant avec bruit sur les pavés et s'arrêtant bientôt devant le chalet, les réveilla. Gabriel sauta à terre et congédia le cocher qui s'éloigna sur le champ. « Déjà ?» murmura Albert, sortant à regret de son rêve et sentant tourner la terre autour de lui. « Oh, ne rentrons pas encore !» Gabriel hésita. « Mais où veux-tu aller, mon petit Albert ? Qu'est-ce que tu veux faire à cette heure ? D'ailleurs, ta mère a entendu la voiture. Allez, rentrons !» Madame Janville, en effet, criait du haut du perron, dans l'obscurité du jardin. « Est-ce toi, Gabriel ? Est-ce toi, Albert ? C'est nous !» s'empressa de répondre Gabriel. Et comme le jeune homme se faufilait à ses côtés pour lui reprendre la main, elle le repoussa et se mit à marcher très vite. Il la détesta alors, ne sut plus vraiment comment interpréter la douceur de son abandon récent et la rudesse maintenant de son geste. Peut-être n'avait-elle pas compris l'ardeur muette, l'étreinte de possession dont il l'avait enveloppée ? Était-ce par une maternité complaisante, mais platonique, et qui n'entendait point aller plus loin, qu'elle lui avait dit d'une voix si singulière, lasse et douce, « Grand bébé !» Il ne s'attendait pas, en tout cas, à ce que Gabriel annonça pour premier mot à sa mère. « Ma bonne Thérésine, tu sais, je vous garde avec Albert. Je n'oserais jamais coucher dans la maison sans un homme pour me protéger. Tu vas me faire le plaisir de prendre la chambre d'amis. Albert couchera dans un petit cabinet. » Un débat s'ensuivit après lequel Madame Janville, ainsi qu'il était à prévoir, céda. Albert resta muet d'espoir et d'attente en constatant que la pièce que lui réservait sa tante communiquait avec le cabinet de toilette de celle-ci et de là avec sa propre chambre, tendue d'étoffe bleue et dont les fenêtres ouvraient sur la mer. Et il constata avec une joie profonde et obscure que sa mère occupait une chambre distincte et éloignée de l'autre côté du palier. On se souhaita le bonsoir, bougeoir en main. Il y eut diverses allées et venues, Gabriel prêtant à sa cousine du linge et à Albert une chemise de nuit de Ferdinand. Détail intime qui déplut à l'enfant et qui cependant, en vertu d'il ne savait quelle inavouable espérance, lui parut de bon augure. On rentra enfin chacun chez soi. Mais en traversant la chambre de Gabriel et en portant ses regards sur le lit bas et large qu'elle allait occuper, il aperçut dans le fond la petite forme indécise du corps de Nénette endormie, les bras jetés autour d'un des deux oreillers. Alors, tout rêve insensé, toute confiance en l'impossible l'abandonna. Il retomba du haut du ciel à plat. Avait-il vraiment pensé que Brielle lui appartiendrait comme ça, sans hésiter, de façon toute naturelle? Elle l'installait d'ailleurs gentiment dans le petit cabinet, tâtant le couvre-pied et disant « J'espère que tu seras assez couvert. » Puis elle posait un bougeoir sur la cheminée, disant « Allez, bonsoir, mon petit. » Et se retirait, fermant la porte d'un léger verrou. Il eut envie de se ruer sur cette porte. Et stupide, il se demandait s'il n'avait pas rêvé, si c'était bien vrai qu'elle se fût laissée ainsi pressée dans ses bras et embrassée dans la voiture. Fou, n'avait-il pas cru qu'elle allait s'asseoir sur le petit lit et lui mettre les bras autour du cou? Et maintenant, elle allait se déshabiller et s'endormir paisiblement. Un vertige lui tourna le cœur. Il lui semblait qu'à travers la porte, l'odeur douteuse et pénétrante qui s'exhale de dessus une table de toilette de femme et des flacons et ustensiles qui la chargent, lui saturait le cœur et les sens d'une volupté trouble et infinie. Et si elle allait reparaître, sa toilette faite? Hélas, il l'entendit, cette toilette, épiant, l'oreille collée à la cloison, des bruits de porcelaine et d'eau qui lui parurent charmants, riva mais inutilement l'œil à la serrure. Du temps s'écoula. Toute clarté mourut dans la pièce de la chambre voisine. Une seconde porte se referma. Et Albert, les pieds nus sur le parquet, immobile, retenait sa respiration, espérant absurdement ce qu'il savait bien ne pouvoir être. Il ne se coucha que longtemps après, bien enrhumé, et s'endormit à la fin brisé pour des cauchemars impossibles. Le lendemain matin, Gabrielle le réveilla en lui apportant un bol de chocolat avec des rôtis. Elle avait un air sérieux qu'il ne lui connaissait pas. Elle alla d'abord s'assurer que Nénette était au jardin et que Madame Janville donnait tous ses soins à sa toilette. Elle ferma alors la porte et s'assit sur le bord du lit d'Albert, auquel il ne manqua plus qu'elle mit les bras autour du cou pour qu'il crût son rêve fou réalisé. Mais maternelle, elle lui dit « Allez, mange ton chocolat, il n'en est pas trop chaud. » Il fit le geste de refus du prisonnier décidé à mourir de faim si la princesse qui le visite ne consent pas immédiatement à le rendre heureux. Mais elle lui mit de force la tasse dans les mains et il dut la prendre sous peine d'en renverser le contenu sur les draps. Il fit tout son possible seulement pour ne pas paraître ridicule en cassant son pain grillé et en avalant le chocolat, sur les cuillerées duquel il dut souffler, parce qu'il était tout de même trop chaud. Sa tante le regardait pensive, sérieuse, comme vieillie. « Écoute-moi, mon petit Albert, » dit-elle enfin. « Je t'aime bien, et je veux que nous soyons toujours bons amis. Mais ce sera à condition que tu me respecteras comme tu le dois. Quand tu t'es comporté hier de la façon que tu sais dans la voiture, je n'ai pas osé me défendre à cause du cocher. Mais ne recommence jamais, sans quoi je serai forcé d'avertir Ferdinand. Mais qu'est-ce qu'il dirait? Enfin, vois-tu, je suis bonne fille. » Je me montre familière avec toi. J'ai moi aussi du plaisir à t'embrasser. Tu es un bon petit garçon que j'aime bien. Mais il ne faut pas que ça aille plus loin. À ton âge et au mien, ce serait très mal. Pense à ta mère, pense à ma fille, et Ferdinand qui t'a dit qu'il me confiait à toi. Allez, là-dessus, donne-moi une bonne poignée de main. Prends garde de renverser ta tasse. Non, tu ne veux pas me donner une poignée de main? Eh bien... embrasse-moi, je te le permets, mais ce sera la dernière fois. Albert posa sa tasse et saisit sa tante à plein bras, lui baisa de toutes ses forces les joues et le cou, en l'étreignant si fort qu'il la plia en arrière sur le lit. Elle ne se fâcha pas, ne se raidit pas, et dit seulement « Tu m'as embrassé comme un enfant que tu es, un grand fou, pas raisonnable. Eh bien, je vais t'embrasser en vieille tante et ce sera fini. » Elle lui jeta deux baisers secs sur le front et se retira, en ajoutant « Je viens de recevoir une dépêche de Ferdinand. Je pars à 3 heures avec Nénette pour le rejoindre. » Albert se leva, le cœur déchiré. Gabrielle partant, plus de pêche à la crevette, plus plus de flirt et de cousinage équivoque. Il se prit tout à coup à penser à Madame Emono, se rappela l'invitation qu'elle lui avait faite. S'il n'était pas trop tard, s'il pouvait passer la journée avec elle et avec Pierre. Ingrat envers Gabriel, comme l'ordonnait son âge et son égoïsme ingénu, il réfléchit qu'à tant faire que de partir, elle eût bien dû prendre un train du matin, qui lui eût laissé sa journée libre à lui. Mais peut-être ne serait-il pas forcé de l'accompagner à la gare. L'idée cependant de tout ce qu'il perdait en Gabriel, d'espérance chimérique sans doute, mais aussi belle pour lui que si elles avaient dû positivement se réaliser, le consterna. Il s'habilla machinalement et sortit. Nénette, qu'il aperçut derrière la grille, lui cria « Tu vas promener, dis ? Emmène-moi !» Il hésita. « Va demander la permission à ta mère. » Elle y courut, et pendant ce temps, il s'éclipsa rapidement. Il sentait bien que c'était une trahison peu gentille envers l'enfant, mais elle était encore par trop enfant aussi, et il ne se souciait pas de l'amuser en courant sur la plage ou en cueillant, ce qu'elle aimait par-dessus tout, des bouquets de fleurs dans les haies vives. Il avait d'ailleurs besoin de se ressaisir et de se concentrer en soi-même comme un homme. Il marchait vite et sans regarder les gens, oubliant sa timidité vaniteuse et sa ridicule préoccupation de l'effet qu'il pouvait produire. Un sentier s'ouvrit devant lui, hors du village, qui grimpait sur la falaise. Il s'y engagea. Le ciel du matin était d'un bleu pâle et âpre, le vent cuisait et le soleil ne chauffait pas. Mais une telle splendeur claire émanait des choses qu'une joie fraîche et pure prenait le cœur. Albert, comme s'il goûtait encore le souvenir d'un fruit bizarre et délicieux, nuancé d'amertume, remâchait l'indicible sensation de sa courte, trop courte aventure sans espoir avec Gabrielle. Il se sentait émancipé, grandi, virilisé. Sans doute ce départ, et ce qu'il tuait d'espoirs imaginaires, l'irritait et l'affligeait. Mais l'avenir, le mystère du possible, restait, en dépit de la déclaration vertueuse de Gabrielle, intactes et réservés. Il s'imaginait, en une sorte de rêve bizarre éveillé, ce qui aurait pu être hier au soir, ce qui serait peut-être aujourd'hui. Enfin, il se repaissait d'images et de mots voluptueux, à défaut de réalité, sans songer à ce que de telles suppositions, déshonorantes pour la jeune femme et périlleuses pour lui-même, contenaient d'affreux et inavouables égoïsmes. Mais quoi, la jeunesse et l'instinct qui veut qu'on aime l'emportaient. Et il montait d'un élan fort et élastique, penché en avant, fouetté de vent salé en plein ciel sur la falaise au bas de laquelle battait la mer. Quand il fut tout en haut, il aperçut deux silhouettes immobiles qui contemplaient le large. Une très petite silhouette d'enfant, une plus grande de femme. Elle ne lui était pas inconnue. À mesure qu'il approchait d'elle, il cessait, intrigué et curieux de les reconnaître, de penser à sa tante et aux équivoques et malsaines impressions qu'elle suscitait en lui. Il ne douta plus au bout de quelques instants. Les promeneurs immobiles qui regardaient la mer étaient son camarade Pierre et Madame Emono. Pourquoi Albert ressentit-il une honte étrange? Pourquoi ne fut-il plus si fier d'être grand garçon, de connaître et de convoiter le mal? Pourquoi souhaita-t-il que le vent salubre qui lui balayait le visage balayât aussi son âme et ce qu'elle contenait d'impur? Mystérieuse et inexplicable puissance d'un sentiment vrai. Il pressentait peut-être que Madame Emono, avec son visage de bonté et ses yeux de calme lumière, serait pour lui une amie sûre et la protectrice inviolée de son cœur d'enfant en mal de puberté. Il sentait bien, en tout cas, qu'elle n'avait rien de commun avec Gabriel, rien de ses coquetteries lascives, rien de ses misérables et charmantes préoccupations d'enfant gâté. Madame Emono serait-elle donc pour lui le bon ange, grave et sévère, la conscience vivante et aimée? Aimée? Quoi, aimerait-il déjà cette femme rencontrée la veille, uniquement parce qu'elle lui avait parlé avec intelligence, qu'elle l'avait regardée avec sympathie? Et qu'elle s'était montrée pour lui exactement ce qu'il fallait qu'elle fût, afin d'agir sur ce mobile et vaniteux et souffrant esprit d'adolescent? Mais à supposer qu'elle dût s'intéresser un jour, demain, aujourd'hui peut-être même, à lui? Mais qu'était-il? Que valait-il pour qu'elle fît attention à lui? Un peu d'humilité entra enfin dans son cœur, et il eut peur. Vraiment, si elle allait le regarder froidement, fuir son salut, ne pas vouloir le reconnaître. Mais déjà, en l'entendant venir, Pierre et sa mère avaient tourné la tête, et tous deux lui souriaient, de loin, un peu étonnés, comme lorsqu'on retrouve un ami qu'on n'attendait pas de sitôt.